je mon ange, oublie ce monde étrange, puisque rien ne dure, que tout change. Suppose que nous n'existons pas. Ferme les yeux, mon ange, oublie ce qui nous mange, ce qu'on endure, ce qui nous change. Suppose que ça n'existe pas. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, éclaire des jours, des heures. Perds toujours, s'il le faut, dépose ici ton fardeau. Ouvre les yeux, mon cœur, tourne le dos au malheur. Ce qui nous naît, ce qui nous meurt, suppose que ça ne s'éteint pas. Ouvre ton cœur, des pleurs, des jours, des heures. Pleure toujours, s'il le faut, dépose ici ton fardeau. Ton cœur, ouvre, pleure, pleure, des jours, des heures. S'il le faut, dépose ici ton fardeau.